Cours numéro 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-alam al-shaykh Abdurrahman ibn Nasir al-Sidi rahimahullahu ta'ala. Rabi'an. Aïe, la quatrième cause. On est toujours dans les causes pour augmenter sa foi. De ce livre, هذه الرسالة المفيدة التوضيح والبيان للشجرة الإيمان. Donc dans ce chapitre, il a cité plusieurs causes qu'on peut répéter et باختصار. La première, معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى, connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. La deuxième cause, méditer sur les versets du Coran. La troisième cause, كذلك méditer sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatrième cause, قال ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولله الحمد, c'est lié directement à notre cours précédent. Parmi les causes pour augmenter sa foi, faire des efforts pour connaître la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. هذا c'est un سبب عظيم. Ça c'est une énorme cause pour augmenter sa foi. قال ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة. Deux choses, deux sciences très très importantes pour connaître un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est connaître sa voix. Le dars qu'on étudie ensemble, le premier cours, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les livres les plus profitables, c'est le livre qu'on étudie ensemble, Al-Fusul. Al-Fusul fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'il-Hafidh Ibn Kathir, rahmatullah alayhi. Un livre très résumé. Il a cité des fossoules, des points où il décrit la biographie du prophète sallam en se basant sur des faits authentiques, des versets du Coran al-Karim, des hadiths de la sunna authentique. Donc ça, c'est la première façon pour connaître un Nabi sallam, étudier sa biographie de sa naissance sallam jusqu'à sa mort. La deuxième, c'est connaître ses comportements. Akhlaquhu al-aliya wa ma huwa alayhi min al-akhlaq al-aliya wal awsaf. Donc ses akhlaq et ses awsaf. Ay al-awsaf al-khuluqiyya wa al-khalqiyya. Deux choses. Connaître ses caractéristiques physiques alayhi salatu wassalam et كذلك connaître ses caractéristiques niveau du comportement et sa façon de vivre. Et min ahsan al-kutub, c'est fi hadha al-bab, c'est le livre de l'imam at-Tirmidhi rahmatullah alayh, Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Un livre qu'il a écrit sur les caractéristiques physiques et morales du prophète alayhi salat wa salam. Sa taille, sa couleur, ses cheveux, sa barbe, etc. Et kadhalik ses comportements, comment il mangeait, comment il buvait, comment il dormait, sa patience, sa douceur, etc. Alayhi salatu wassalam. Donc, étudier ces deux sciences, la biographie et Shama'il, c'est très très important pour le mu'min. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il a résumé le livre de l'imam al-Tirmidhi, Mukhtasar al-Shama'il. Et c'est des livres accessibles, qui ne sont pas compliqués. Faqat al-mu'min, il doit faire des efforts. Tu dois faire des efforts, tu dois entreprendre des choses, Akhil Karim, pour apprendre ton din. Et hadar d'attendre toujours les autres. Là, pour apprendre l'ilm, il faut faire des sacrifices. Souvent, il faut voyager. Il faut dépenser son argent, il faut faire beaucoup de choses. Mais attendre que l'ilm, il vient à nous, c'est rare. C'est rare que Wahid est né dans un endroit, il y a des savants, il y a des dourous, la plupart des gens ils sont dans des endroits. Il n'y a pas tout cela. Enfin, c'est à nous de faire des efforts. Comme on fait des efforts pour manger, pour boire, etc. On doit faire des efforts pour nourrir ce cœur, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cette connaissance, la bud min ilm. Et ce ilm, il fait monter la foi. قال رحمه الله فإن من عرف حق المعرفة لم يرتب في صدقه. تذكرون dans le درس précédent, c'est exactement هذا. تذكرون أن الحافظ ابن كثير رحمه الله il a cité deux catégories de gens. Ceux qui n'avaient pas de tamiz, qui ne prêtaient pas attention à ce que le professeur sallam il disait directement, ils écoutaient les rumeurs, ils l'accusaient, etc. Et tu avais l'autre catégorie qui l'écoutait. Et ceux qui l'écoutaient, comme on a cité l'exemple de Dhimad, radiyallahu anhu, directement ils acceptaient. L'imad al-yanna, celui qui le connaît, haqq al-ma'rifa, il n'aura aucun doute, annahu, il est véridique. Et il appelle à la vérité. Et il a propagé la vérité, alayhi salatu salam. C'est pour ça que Dhimad, Wattufayl, Ibn Amr, et beaucoup, Jubayr ibn Mut'im, on a cité un exemple, il a beaucoup d'exemples, quand ils entendaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se convertissaient. قبل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه خديجة etc. قال فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه. Ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre أن les doutes que l'insan peut avoir concernant sa religion. إما c'est à cause d'une faible connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que أحيانا الشيطان il trouve des cœurs en ruine. Des cœurs qui sont occupés que par un tel il a fait, un tel il a dit, la médisance, le sport, la musique, iyadam billah, etc. Haoula, même si c'est des croyants, faroubama shaitan il trouve ce cœur en ruine et ça devient refuge pour lui et pour ses ambiguïtés et pour les doutes. Ça, tu trouves le bard après des années, vu qu'ils ne font pas d'efforts dans la science. Et si la foi n'augmente pas forcément, elle diminue. Et tu trouves, Bardoum, à la fin, ils ont des doutes. Et Bardoum, ces doutes, Iyadam Billah, c'est une cause pour que ils ont des wassa, oui, c'est des choses très très graves, et ça peut faire sortir de l'islam, Iyadam Billah. Mais celui qui a des wassa, oui, c'est à cause d'une maladie, fahada, il doit faire les causes. Il doit faire les causes pour repousser al-wassa, oui. C'est surtout ne pas baisser les bras et fermer la porte à Shaitan. Comment fermer la porte à Shaitan? Ton cœur, ça peut devenir un refuge pour le bien ou pour le mal. Et ce cœur, il doit avoir des portes. Et pour fermer ces portes à Shaitan, c'est la science, rien d'autre. La science et bien sûr l'iman ou le dua. هذه المعرفة, cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu salam, fa kama qala al-shaykh Sa'di lam yartab fi sidqi, il n'aura aucun doute. C'est tellement clair. C'est tellement clair. C'est pour ça que tu trouves ceux qui ont vraiment connu Allah subhanahu wa ta'ala haqq al-ma'rifa et qui ont connu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui, les compagnons radiyallahu anhu, ils n'avaient aucun doute. Ils n'avaient aucun doute. C'est pour ça que quand ils n'ont pas eu de doute, ils avaient la certitude, ils ont fait as-salat, ils ont fait le jihad, ils ont fait le hajj, ils étaient prêts à mourir pour leur dîn. Et beaucoup d'entre eux, ils sont morts pour leur dîn, comme on verra, inshallah, dans la biographie. Tellement qu'ils ont atteint al-yaqin, sahabi mina as-sahaba durant al-jihad, annahu al-qissa ma'rouf, annahu il mangeait des dattes, et quand il a entendu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam citer certains mérites du martyr, certaines récompenses, et il a jeté les dattes, il n'a même pas fini, il est parti combattre jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. Yaqin. Ils étaient sûrs, ils entendaient Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun doute. Hadhihi al-ma'rifa tamma. Une connaissance complète, radiyallahu anhum, du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vécu avec lui, ils l'ont vu. C'est ça qui pousse à avancer dans notre din. Pourquoi on a d'énormes faiblesses, ou des faiblesses plus ou moins graves, ça dépend des cas, ça dépend des personnes. Tout est lié à cette ma'rifa. C'est pour ça, akhil karim, tu vas avancer dans ton din, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps avec telle ou telle chose. La base, c'est d'apprendre ta aqida, connaître Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre la sunna du prophète alayhi salatu salam. Les autres sciences, c'est pour t'aider à comprendre, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et c'est le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu sauras avec certitude que c'est lui qui mérite l'adoration, c'est le sens de la ilaha illallah. Si tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sauras avec certitude que c'est le messager d'Allah. Et c'est ça le sens. Ça va impliquer quoi? Adorer Allah seul, al-tawhid, et suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mutaba'a. C'est ça notre dîn. C'est ça la base de notre dîn. Les premières questions dans ta tombe, et après cette étape de ce bas monde, cette étape où on doit œuvrer, la première étape de l'au-delà, la tombe, C'est la première étape pour les comptes. L'être humain sera interrogé, questionné. Les premières questions, c'est sur ces deux points. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Notre dîn, il est fondé sur ma'rifatullah, ma'rifat rasoul. Donc, man rabbuk, celui qui a connu, qui connaissait vraiment Allah vidunia, bien sûr qu'il répondra. Wa man nabiyuk, c'est qui ce prophète? Ça nous montre, on a la réponse, il faut une connaissance. C'est pas simplement connaître son nom. Les ennemis de l'islam, ils connaissent son nom. Alhamdulillah, tous les croyants connaissent son nom, mais il faut une ma'rifa, faire des efforts. Tu trouves Al-Ba'd, et on a cité cet exemple beaucoup de fois. On le recite, on a les Al-Munasaba, tu trouves Al-Ba'd, ils aiment des Wallahi Farag, Mujrimoun, des gens, ils n'ont aucun principe. Bel-Ba'dhum, c'est même pas des croyants. Bel-Ba'dhum, c'est des ennemis de l'islam. Et tu trouves certains, ils aiment ces personnes, ils les apprécient, ils veulent les connaître. Ils font des études pour connaître la biographie d'un tel. Et pardon, c'est très très détaillé. Tellement qu'ils aiment, ils essayent de savoir. L'imad, l'insan, quand il aime une personne, il veut connaître cette personne. Nous, walillahi alhamd, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que croyant. Chaque croyant, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, on doit faire des efforts pour connaître ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il appelait à l'islam? Quel comportement il avait? Comment il faisait salat? Comment il se comportait avec ses épouses? Comment il se comportait avec ses ennemis, etc. Des choses dont on a besoin tous les jours. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. C'est notre exemple, alayhi salatu wa sallam. C'est notre exemple. Amma les autres, on leur obéit, on les écoute, etc. S'ils ne contredisent pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça montre que c'est lui l'exemple. Les autres, on peut les suivre, on peut les écouter s'ils le prennent pour exemple, alayhi salatu wa sallam. قال الشيخ رحمه الله فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في الصدق. Donc ce genre de livre, pourquoi on les lit? Pour que ça nous encourage, ça nous motive à mettre en application. Maintenant que walillahi alhamd, on le savait et on l'a relu aujourd'hui, si on veut que notre foi augmente, on doit faire des efforts pour étudier la biographie du prophète alayhi salam. Et entre nous, walillahi alhamd, en ce moment, on étudie, on avait dit Al-Fusul, le livre de Ibn Kathir, son résumé de la biographie du prophète alayhi salam, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad. Et tu sens quand tu lis la biographie, ou tu écoutes des cours sur la biographie, tu sens quand ton iman y monte. Bardanaz, ils perdent leur temps à suivre, on a dit, des farars, des gens qui n'ont aucun principe. Ils ne méritent même pas que tu lui passes le salam. Et tu trouves Bardanaz, ils les suivent et ils font des recherches. Et ils délaissent le meilleur des êtres humains, alayhi salatu wasalam. La meilleure biographie, la plus profitable pour toi, ayyuha al-mu'min. Qala. والصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي فبمعرفته أو فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به أي نعم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون هذا ما تخلنا celui qui ne connaît pas son ce messager, la chakana, hada, ça a un lien direct avec l'iman. Et celui qui le connaît, tu comprends le verset, celui qui connaît son messager, qui connaît ce prophète, bien sûr que sa foi elle va monter. Une connaissance avec l'iman, bien sûr, avec la croyance et avec, bien sûr, une mise en application, un suivi. Wa qala ta'ala, hathan lahum ala tadabburi ahwal ar-rasoul. الداعية للإيمان صلى الله عليه وسلم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Il a cité ce verset pour montrer أن le fait de méditer sur la situation du prophète صلى الله عليه وسلم c'est une cause pour croire. Pourquoi? لأن الكفار, comme on a vu dans le dars précédent de la biographie, Abu Lahab, Abu Jahal, etc. Ils accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de majnoun, de sahir, de kadhab, de menteur, de fou, de poète, etc. Qala Allahu azza wa jalla, qul innama a'idhukum bi wahid an taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru. Méditez sur ce messager que Allah il a envoyé, ma bi sahibikum min jinnah. Min jinnah, ouhna, c'est le mal min junoun. réfléchissez sur sa situation, étudiez son cas, vous allez voir qu'il n'est pas majnoun, il n'est pas possédé. In huwa illa nadhir. Bel, il est venu pour vous annoncer un énorme châtiment. Et pour ceux qui ne croient pas, in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. En tant que mu'min, si on vient étudier sa personnalité, alayhi salatu salam, sa vie, ses comportements, etc., voilà, chacun a, c'est une cause pour que la foi l'augmente. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى dans plusieurs versets il a rejeté l'accusation des ennemis du prophète عليه الصلاة والسلام qui l'accusait d'être مجنون. وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. Tu n'es pas majnoun. Ça c'est une shahada min rabbil alamin. عز وجل. قال فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة فهو الإمام الأعظم. أكبر داع للإيمان. La plus grande cause pour avoir la foi, c'est de suivre ce messager alayhi salatu wassalam. L'imam, il appelle à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, au bon comportement, etc. Qala fa huwa al-imam al-a'zam. Ça c'est un point très très important. An hadha ar-rasul alayhi salatu wassalam, si on étudie sa biographie, ses shama'il, et on étudie kadhalik les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce prophète alayhi salatu wassalam, on doit avoir aucun doute que c'est l'imam al-A'zam. L'imam, en langue arabe, c'est celui qui est suivi. C'est pas que pour l'imam de la salat, bien sûr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: l'imam liyutam bih. Dans la salat, l'imam, il est fait pour être suivi. Donc l'imam, linguistiquement, c'est celui qui est suivi. Ça peut être dans la salat, maintenant ça peut être le gouverneur, on l'appelle l'imam. Pourquoi? Parce qu'il doit être suivi, on doit lui obéir, fait ta'atillah. Les savants kadhalik ont dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Pourquoi? Parce que c'est un imam, c'est une référence dans la communauté, etc. Lakin ta'ammalu huna qala l'imam al-a'zam. Ay, tous les imams, leur imam, elle est acceptable si ils suivent l'imam al-a'zam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'imam Ibn Taymiyyah, c'est un imam. Aucun doute, Cheikh al-Islam, rahimahullah. Si un de ses avis, il n'est pas basé sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'était un imam, il n'était pas ma'asoum, il n'était pas infaillible, il pouvait oublier, il pouvait ne pas connaître un hadith, etc. Il pouvait, dans ce hadith, avoir une compréhension, et un autre imam, il a une compréhension plus juste, al-muhim, si son avis, il n'est pas en concordance avec la sunna, il contredit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-A'zam, on le suit. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on dit c'est un imam, on lui trouve une excuse, et bien, idnillah, il est récompensé pour son effort. Kama akhbar al-Nabi, alayhi sallallahu alayhi sallam. Hakada le gouverneur, on l'écoute, et on lui obéit, fi ta'ati al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-Rasul, wa ouli l'amri minkum. Vous avez remarqué que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a cité, quand il a cité Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-A'zam, il a cité At-Ta'a, l'obéissance. Ya ayyuhal ladina amanu, ati'u Allah, obéissez à Allah. Wa ati'u Rasul, obéissez au Rasul. Wa ouli l'amri minkum. Pour les gouverneurs, et kadalik, Bahad al-Ulama, il dit c'est kadalik pour les savants, l'obéissance, elle n'a pas été citée. Pourquoi? Parce qu'elle est par rapport aux deux obéissances précédentes. Et si cet imam, ce savant, ce gouverneur, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, et il ne nous appelle pas à une martia, il ne nous appelle pas à un péché, on lui obéit. On n'a pas le droit d'écouter, d'obéir à une personne dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est valable pour les parents, c'est valable pour la femme par rapport à son mari, c'est valable pour tout le monde. L'imam al-A'zam, celui à qui on doit obéir dans tous les cas, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Isma, il a cité certains versets du Coran pour argumenter. قال الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. القدوة الأسوة, c'est le modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Premier دليل أن الأسوة الحسنة, le bel exemple, le véritable modèle, c'est le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ça c'est réservé qu'au prophète عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه, ce que le prophète عليه الصلاة والسلام vous donne, prenez-le. وما نهاكم عنه فانتهوا, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Ça c'est que pour le Nabi عليه الصلاة والسلام. À nos parents, ou les savants, ou autres, enfin, ils peuvent nous ordonner une chose et on ne l'apprend pas. Ils peuvent nous dire de ne pas faire une chose et on l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'on a un délil, une preuve claire, min sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et on connaît tous la célèbre parole de l'imam Malik, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib had al-qabr. Et il faisait signe en direction de la tombe du professeur. Tu peux prendre la parole de quiconque ou la rejeter. Sauf la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا ثبت عن الإمام مالك بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا dans كتاب الطبراني رحمة الله عليه المعجم للطبراني. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا وهو هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. On a déjà cité ce verset, ou il a déjà cité ce verset, rahimahullah. Et on avait lu kalam l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, anna l'ulama akhtalafu. Certains, ils ont dit le munadi, c'est le Qur'an. D'autres, ils ont dit c'est al-Rasoul, al-Karim, alayhi salatu salam. Qala yunadi lil-iman, bi qawlihi wa khuluqihi wa amalihi wa dinihi wa jami' ahwali. Yunadi lil-iman. Fahad al-Rasoul, sallallahu alayhi salam, il appelle à quoi ? Il appelle à l'iman. Avec ses paroles, avec son comportement, avec ses actes, avec, bien sûr, sa religion. Dans tous les cas, un Nabi sallam, toute sa vie, c'est un appel à l'iman. C'est pour ça que si tu veux connaître et mettre en application l'iman, tu n'as qu'une voie à suivre, c'est la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Et ceux qui ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi sallam et qui l'ont compris, c'est les compagnons radiyallahu anhu. Donc tu te bases sur la voie des compagnons. Et ceux qui ont compris la voie des compagnons, c'est a'immatus sunnah. Tu reviens aux imams de la sunnah. Et ceux qui ont compris la voie des compagnons et des imams de la sunna qui étaient avant nous, l'époque des salaf, c'est ulama ahl sunna, c'est ulama salafiyin à notre époque. N'ai aucun doute à la hala. Si tu suis cette voie, alhamdulillah, tu seras à la khayr. Qala fa amanna ay imanan la yadkhuluhu raib. Quand ils ont entendu hadha al-munadi, ce prophète alayhi sallallahu alayhi qui appelle à l'iman, ils ont cru. Ça nous montre une des causes pour croire et bien sûr pour augmenter sa foi, c'est de suivre ce prophète عليه الصلاة والسلام. قال ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نعم ثم ils ont fait ce dua أي في par rapport au péché qu'Allah leur pardonne leur péché. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان ولا يرتب في رسالته. On a cité l'exemple de Dhimad dans le cours précédent. Mujarrad, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih, directement il a cru. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tends ta main, je te fasse al-bay'a, je prête allégeance. Juwayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, il est passé marra et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il récitait des versets min sourate at-tur, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Il a entendu ce verset, qala kada qalbi an yatir. Juwayr ibn Mut'im, il a dit, j'ai senti mon cœur, il a failli s'envoler. Il comprenait l'arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, et il a guidé leur cœur. Directement, ils ont accepté l'iman avec hadhihi al-quwwa. Il a senti son cœur. Il a senti hadhihi al-haraka. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Vu que Juwayr ibn Mut'im et les habitants de l'Jazira, ils reconnaissaient Allah comme créateur, ça l'a interpellé directement. Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien ? Voilà, il reconnaissait Allah comme créateur. Est-ce que c'est eux les créateurs, ils se sont créés eux-mêmes? Là, ça l'a touché, il a su que le créateur, c'était lui qui méritait l'adoration, il a accepté le message. Et il a délaissé les idoles. Mujarrad sama, un verset. قال بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف انه ليس بوجه كذاب. تذكرون قصه الانصار لي برومي من الخزرج quand ils ont vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt c'était Aws ou Iyas ibn Mu'ad. Iyas ibn Mu'ad, on avait dit on doit faire la recherche pour savoir est-ce qu'il est mort, sa situation. Le Bukhari rahimahullah il l'a cité, il est mort à l'iman. Lakin on voulait faire plus de recherches pour avoir plus de précision. Iyas ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, mujarrad quand il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit hada, c'est pas le visage d'un menteur. فالنبي صلى الله عليه وسلم il avait هذه المنزلة. الله سبحانه وتعالى il l'a élevé على جميع الخلق. Donc le connaître c'est une des bases. قال وقيل لبعضهم لما بادرت إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرف رسالته؟ قال ما أمر بشيء؟ فقال العقل ليته نهى عنه. ولنهى عن شيء؟ فقال العقل ليته أمر به. قال فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته صلى الله عليه وسلم وموافقته للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان. نعم في الحاشية قال نسبه ابن القيم رحمه الله إلى بعض الأعراب. نعم أي certains من الأعراب parmi les bédouins ils leur ont demandé pourquoi vous avez cru au message du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Ils se sont basés sur l'aql, sur la raison. Ils ont dit tout ce qui nous ordonne, enfin, ça ne contredit pas la raison. Tout ce qui nous interdit, ça ne contredit pas la raison. Enfin, là, chacun d'entre eux, ils ont accepté. Ça nous montre quoi, Yéhouan? Ça nous montre, si on fait un da'wah, en se basant sur la sunna du prophète, alayhi sallam, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec Al-Kuffar, que ce soit avec n'importe qui, tu trouveras des gens qui accepteront. L'imad aliyanna, tu vas leur montrer, il faut adorer Allah seul. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas verser le sang injustement, il faut respecter le voisin, il faut respecter les parents, tu ne dois pas faire de mal aux animaux, etc. Que des choses. 99% des gens, ils acceptent. 1%, Obama, ils n'ont pas la raison ou autre. Ouais, là, l'immense majorité des gens, ils reconnaissent ces choses. C'est pour ça que les koufars, pourquoi ils combattent l'islam? Et vous avez remarqué que leur façon de combattre l'islam, c'est de salir la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Des caricatures, et ils attaquent le prophète alayhi salatu wasalam par rapport à la polygamie, par rapport au mariage avec Aïcha radiallahu anha, elle était très jeune, par rapport au jihad. Ils essayent de salir. Ils essayent de le salir, niveau mariage, niveau enfant, et niveau écoulement de sang. Niveau Anahu, il est injuste et il tue, et c'est un guerrier, etc. لماذا لأنهم يعرفون très bien أن si la véritable image du prophète صلى الله عليه وسلم est propagée dans le monde, كثير من الناس vont croire. Et alhamdulillah, c'est ce qui se passe. Tous les jours, des gens ils embrassent l'islam. خاصة ceux qui lisent le Coran ou ils lisent la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, ça les touche. بعض الناس ils sont touchés à notre époque. Ils regardent un film ou là ils lisent un livre et ça les fait pleurer. Alors que c'est du kadib, c'est du mensonge. Et بعضهم c'est des fasaqa, c'est des choses, na'oudou billah. Et ça les touche. Ça les touche. Des histoires inventées, ahyanan, c'est véridique, lakin. C'est pas des choses. Hada, il a sauvé un enfant. Hada, il a aidé un tel. Ça les touche, jiddan. Ma balouk, il irait sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est fondé sur sunnah, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ça les toucherait, jiddan. Ça nous montre que nous, si on arrive à faire parvenir cette sunna, cette sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux autres, il n'y a aucun doute que les gens ils accepteront. Un dors, qui est un cours qui est préparé avec des arguments, avec un usloub hassan, avec une façon claire, une façon assez éloquente, et en décrivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver wahid qui n'a rien à voir avec l'islam, khasatan à notre époque, sur les réseaux, il tombe sur le cours et ça le touche, c'est une cause pour qu'il se convertisse. Ça, on ne doit pas baisser les bras. Un texte, comme Milanas, ils ont lu une traduction, ils sont rentrés vers l'islam. C'est pour ça que nous, on ne doit pas rester les bras croisés. On a tous un rôle, chacun à sa place. On a ta'aoun, Et la base, on le répète, c'est l'ilm. Fais des efforts dans l'ilm, viendra un jour, tu pourras propager ce que tu as appris et tu seras une cause pour faire parvenir la véritable image du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux autres. Et ça, ça doit être un de nos buts, un de nos objectifs. Ils ont sali l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on doit faire des efforts pour rétablir la vérité, pour propager sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa li hadha istadalla malik ar-Rum, Hiraql, lamma wasifa lahu ma ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa ma kana ya'muru bihi, wa ma yanha 'anhu, istadalla bidhalika annahu min a'zam ar-Rusul. Wa'tarafa bidhalika i'tirafan jaliyan, walakin mana'athu ar-riyasa wa khashyatu zawal mulkihi min ittiba'i. Hiraql, quand il a demandé à Abu Sufyan, il a demandé à Abu Sufyan et à d'autres qui étaient qui min ahli Mecca qui étaient inda Hiraql, quand il leur a demandé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, awwalan Abu Sufyan comme jaa fi al hadith al sahih annahu, il a cité des choses quand il lui demandait Hiraql. Il appelle à quoi, il a akhiri, enfin, il disait des choses et Hiraql, ou plutôt Abu Sufyan, à cette époque, c'était pas un musulman. À cette époque, il combattait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas pu mentir. Pourquoi? Al-haya. C'est pour ça qu'Abu Sufyan lui-même, il a dit dans le hadith, dans le Qissa, il a dit « Laoula al-haya, la kadabtu an. » Si j'aurais pas cette pudeur qui m'empêche de mentir, j'aurais menti sur lui pour salir son image. Lakin, vu que dans ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Abu Sufyan, il a dit la vérité. Et la preuve, Abu Sufyan, plus tard, c'est devenu un compagnon, il s'est converti, radiyallahu anhu. كثير من الأعراب يزافيها هذا الوصف الحياء. La pudeur, ça les empêchait de mentir. Enfin, quand Hiraql, il a entendu certaines choses. فقط en résumé, le prophète sallam, il appelle à ça, il fait ça. Et il leur a dit, il savait, c'est un rasoul, c'est un prophète, c'est un messager, il n'y a aucun doute. Pourquoi Hiraql n'a pas accepté le message comme Al-Najashi, il l'a accepté? Al-Najashi s'est devenu un musulman, un croyant. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait salat sur lui. Contrairement à Hiraql, il est mort sur sa mécréante. قال ولكن منعته الرياسة وخشية زوال ملكه من اتباعه. Il a fait passer dunya avant l'islam. Il a su que s'il aurait accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait perdu son mulk. Son peuple, c'était des chrétiens, ils n'auraient jamais accepté. Et il ne s'est pas soumis, il n'a pas prononcé al-shahada, malgré qu'il savait, il connaissait le peu qu'ils lui ont dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'était la vérité, son message. منعته الرياسة وخشية زوال ملكه من اتباعه كما منعت كثيرا ممن اتضح لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. أي on doit faire attention à هذا. تأمل هذا الكلام. وهذا من أكبر موانع. Ça fait partie des plus grandes causes, des plus grands obstacles que l'insan il accepte pas la foi. عند هؤلاء أي ceux qui ont une responsabilité, une place. Badoum, il pense que s'il accepte l'islam, il va perdre sa place. Ou s'il met en application l'iman, il va perdre sa place. Ça, c'est une cause pour que l'insan il s'égare. Et dans notre exemple, Hiraql, c'est une cause, il n'a pas accepté l'islam. Alors que son mulk de Ad-Dunya, il allait s'arrêter un jour. Et il s'est arrêté il y a des siècles maintenant. Et il est mort à la kufra, il se fera châtier éternellement. À notre niveau, Kadalik, fais attention de ne pas rejeter la vérité ou une preuve ou la nasiha de quelqu'un en pensant que ça va te rabaisser. Si j'accepte, c'est que j'étais ignorant et les gens ils vont savoir que j'étais ignorant. Na'oudou billah, qu'est-ce que ça change? Si tu acceptes, Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de toi. Réfléchis comme ça. Watrukunnas. Les gens, tu n'arriveras jamais à les satisfaire. هذا سبب سبب خطير. Pourquoi certains من أهل الضلال ils ont été conseillés par l'ulama, des preuves claires, des livres, des audios, etc. Et tu trouves cette personne elle accepte pas l'imam. Léano il pense que s'il accepte ça veut dire qu'il était ignorant, ça veut dire que les savants qui l'ont critiqué ils avaient raison, et il pense que sa place il peut la perdre. Il est imam dans telle mosquée, il a dans les réseaux sociaux, il a des milliers d'abonnés, etc. Donc, s'il admet qu'il avait complètement faux, c'était un égaré, ça veut dire que ceux qui l'ont réfuté, ils avaient raison. Et Ba'dhum, ils ont peur de cette place. Et ça les pousse à rejeter le haq. Al-hadar, on doit tous faire attention à l'ihad. Vous avez remarqué que c'est la sincérité. Celui qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas son problème. Les gens, ils sont pour, contre. S'ils se trompent, ils étoubent. Lakin, celui qui fait pour les autres, ou qui pense qu'aux autres, qui regarde les autres, il pense à sa place, peut-être qu'il va rejeter la vérité pour les autres. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والثبات قال وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرياسات والشبهات والشهوات تضمحل أما تأمل الأوصاف كلاسيتي أهل البصائر والعقول الصحيحة البصائر البصيرة سي العلم أما les gens de science والعقول الصحيحة les personnes sensées فإنهم يرون هذه الموانع والرياسات ces obstacles. Que ce soit ça c'est une place, t'es imam, t'es gouverneur, t'es roi, t'es président ou autre. Toutes ces choses, elles disparaissent quand ils apprennent la vérité. حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. صحيح, il n'a aucune importance à ça. Pourquoi? لأن هذا الحق s'il l'accepte, فهذا الحق il va les conduire au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. عبد الله بن سلام رضي الله عنه سيأتي إن شاء الله معنا dans la sirah son histoire أنه il était connu عند اليهود بل quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé aux juifs عن عبد الله بن سلام avant qu'ils apprennent que c'est devenu un muslim ils lui ont dit خيرنا وابن خيرنا etc. C'est le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, etc. C'est un savant. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn Salam, sors. Il s'était caché dans un endroit. Il lui a dit, sors. Il est sorti à Abdullah ibn Salam devant tous les juifs et il a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et ils ont dit, sharruna ibn sharrina, etc. C'est le pire d'entre nous, l'enfant des pires d'entre nous, etc. Il n'a pas regardé ce que les autres y vont penser. Là, Abdullah ibn Salam, donc il n'avait plus un rang élevé auprès des juifs. Lakin, il a eu un rang élevé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bel indallah azza wa jal, et auprès des croyants. Jusqu'à aujourd'hui, on le cite. Wa nataradda anhu, c'est un compagnon jalil. Radiallahu anhu. Andur, celui qui délaisse quelque chose pour Allah. Man taraka shay'an lillah rafa'ahu Allah. Si tu délaisses quelque chose pour Allah, et tu acceptes la vérité, Allah il t'élèvera. Qala. Wa li hadha as-sabab al-a'zam kana المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغائب. Ça c'est la conclusion des causes précédentes. Le fait de méditer sur le Coran, donner de l'importance au Coran, méditer sur la Sunna, donner de l'importance à la Sunna, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces causes, donner de l'importance au Coran et à la Sunna, c'est une des causes les plus importantes pour fortifier, renforcer, augmenter notre foi et s'écarter des doutes et avoir la certitude. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.